Si j'étais une mouche, je ferais des plongeons et des loopings sur des décolletés fleurissants. Je ferais des virées à 100 à l'heure de l'altitude. J'ai même pas peur, j'irai voir mes copains, voir ce qui se passe chez mes voisins. Je passerai tranquille incognito et je ferai mes courses dans plein de frigos. Je me baladerai un peu partout dans des endroits où faut des sous. J'irai à Las Vegas me la péter mouche qui a la classe. Tranquille au soleil, je ferai gaffe aux lézards, aux abeilles. Je ferai le touriste dans Paris, sans papier, sans identité. Je me poserai sur le nez de Sarko en plein show médiatisé. À grands coups de tapette, font splash, plus de mouches.